franceinter.fr. Bonsoir. Aujourd'hui, je vous emmène au XVIIe siècle, à Naples, à Rome et à Londres, à la rencontre d'Artemisia Gentileschi, femme au destin tourmenté et artiste de génie. Gare aux âmes sensibles. Si le tableau est très beau, la composition, les couleurs, la lumière en clair-obscur sont somptueuses, il est aussi d'une rare violence. L'une des deux femmes, vêtue de rouge, tient fermement l'homme allongé, sans doute surpris dans son sommeil. L'autre, dans une robe de velours bleu, empoigne d'une main les cheveux de la victime et de l'autre l'égorge avec un poignard. Le sang éclabousse le drap. Les deux femmes sont belles et élégantes, mais inutile de chercher sur leur visage ou dans leur corps le moindre signe de doute ou d'hésitation. Elles sont déterminées à accomplir jusqu'au bout cet acte de vengeance. Cette scène, tirée de la Bible, Judith tuant Holoferne, Artemisia Gentileschi l'a peinte de multiples fois. Mais pourquoi ce tableau, peint au XVIIe siècle, est-il si troublant encore aujourd'hui ? L'histoire que je vais vous raconter ce soir est donc celle de cet artiste, longtemps oublié, mais qui de son vivant fut une des plus renommées d'Europe. L'histoire aussi très universelle d'une femme qui, à l'âge adulte, se trouve soudain confrontée à son passé. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Alexandra Lapierre, bonsoir. Bonsoir. Artemisia Gentileschi est une artiste que vous connaissez bien, pour laquelle j'imagine vous avez une affection particulière. Vous lui avez consacré deux livres, un roman historique, Artemisia, et puis Artemisia Gentileschi, dans la collection Gallimard Découverte. Alors ce tableau dont je viens de parler, Judith et Holoferne, vous l'avez vu, je suppose. Je l'ai vu plusieurs fois, évidemment, et je l'ai eu devant les yeux pendant les 4 années où j'ai écrit la vie d'Artemisia, parce qu'en effet, c'est un tableau extraordinairement, d'abord, d'une beauté sans égale, ensuite d'une violence qui, pour l'image préconçue d'une femme artiste, est tout à fait révolutionnaire, et enfin, parce qu'il réinvente les codes de la peinture. Judith tuant Holoferne est un sujet du XVIIe siècle que traitent tous les peintres. Caravage l'a peint. Vous pouvez nous rappeler quel est ce thème justement de la Bible, en gros? En gros, c'est Judith qui veut défendre sa ville et qui a... Dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament et qui est donc juive et qui a devant les portes de son pays un tyran et un envahisseur qui s'appelle Holoferne. Et elle est très pieuse, mais elle décide de tuer Holoferne. Donc elle s'habille de ses plus beaux atours, elle se vêt de ses plus beaux atours, elle sort de ses remparts et elle va souper avec ce tyran monstrueux qui menace de raser et de tuer tout son peuple. Et là, elle le fait boire, et quand elle l'a bien enivré et séduit et qu'il commence à s'endormir, avec sa servante, elle le décapite. Ainsi, elle provoque la terreur parmi les troupes qui vont envahir son pays, enfin sa ville, et elle revient avec le panier dans lequel il y a la tête d'Holoferne qu'elle montre à son peuple, ce qu'il galvanise. Donc voilà, donc ça c'est le sujet. Ce qui est très très révolutionnaire dans le tableau d'Artemisia, c'est que dans la Bible et dans tous les tableaux de l'époque, la servante qui aide Judith a décapité Holoferne, en général ne fait rien, elle reste à côté avec le panier qui servira à prendre la tête d'Holoferne, et en plus c'est sa nourrice, c'est une très vieille dame. Donc en général, il n'y a qu'un seul personnage féminin, certes celui de Judith qui est aussi jolie que possible, mais chez Artemisia, ça devient deux jeunes femmes, qui travaillent ensemble. L'une, la servante, est carrément couchée sur le corps d'Holoferne pour le maintenir, car il se débat. Et l'autre a une épée d'une lourdeur et d'une violence. On a vraiment l'impression d'un travail physiquement très difficile à faire, oui, pour deux femmes. C'est une image de femme qui n'est pas très gracieuse. Non, enfin, absolument. Ce n'est pas des Madones ou pas des Vénus alanguies. Ce qui est complètement révolutionnaire, parce qu'il y avait à l'époque d'Artemisia quelques femmes peintres, mais elles étaient cantonnées dans des tableaux de dévotion. Elles faisaient des vierges, des pots de fleurs, enfin des bouquets de fleurs, et éventuellement... Ça peut être très beau d'ailleurs. C'est très beau, mais éventuellement des portraits d'enfants ou des portraits de femmes. Mais jamais des grands tableaux, ce qu'on appelle des grands tableaux d'histoire, et jamais avec de telles, une telle violence et une telle, en fait, une telle beauté aussi. Alors, l'histoire que je vais vous raconter dans un instant commence à Naples. On est en 1637. Artemisia a 44 ans, une femme indépendante, belle, une artiste reconnue à ce moment-là. Elle est mère d'une jeune fille même, et elle va donc être soudain rattrapée par son passé. Mais avant de commencer, je voudrais juste, Alexandra Lapierre, que vous nous rappeliez à ce moment-là, donc on est au début du XVIIe siècle, c'est quoi l'art en Italie? Oui. Voilà, il y a le Caravage, donc il faut que vous sachiez que à ce moment-là, l'Italie et notamment Rome est comme là d'où est originaire, là donc, d'où est Artemisia. Originaire Artemisia, et où ce tableau, la première version de ce tableau a été peint, c'est une plaque tournante, c'est New York en 1950. C'est-à-dire que tous les artistes du monde entier convergent vers Rome avec le rêve de faire fortune. Pourquoi? Parce que les papes qui sont élus au soir de leur vie ont quoi? 10 ans pour imprimer dans la pierre, dans l'or, dans toutes les tableaux, églises, dans oui. les tableaux, leur marque. Et à l'époque, c'est l'époque quand même de la Réforme, et ils veulent démontrer par la beauté, par la splendeur, la grandeur de la religion catholique. Ouais, c'est une surenchère. C'est une surenchère et c'est de la propagande. L'art baroque doit faire en sorte que le pèlerin qui vient à Rome soit écrasé par la beauté terrestre qui prouve la beauté spirituelle. L'excellence de la religion catholique. Et donc, c'est ce quartier aussi des artistes à Rome que vous décrivez dans votre roman. C'est assez impressionant. Absolument. On est tout près du Tibre, un quartier un peu sombre. Alors c'est à la fois un quartier violent. C'est un quartier très violent parce qu'il faut vous imaginer que tous ces jeunes gens arrivent avec la volonté de faire fortune. Ils sont rivaux, comme aujourd'hui, les peintres et les sculpteurs sont rivaux entre eux. Cette rivalité se multiplie par le fait qu'ils sont de différentes nations. Il y a les Espagnols contre les Français, il y a les Bolognais contre les Napolitains, donc ils se cassent la figure dans les rues. Rome est à ce moment-là un coupe-gorge, le quartier des artistes est un coupe-gorge. Mais pourquoi sont-ils tous au même endroit? C'est pour une question de lumière. Et le Caravage, qui est donc un peintre romain aussi, qui a énormément influencé Artemisia. Oui, alors le Caravage, c'est l'extraordinaire révolution de l'art du début du XVIIe siècle, parce que Caravage peint des hommes et des femmes qui sont presque contemporains. C'est-à-dire que d'un côté, ce sont des images pieuses, puisqu'il travaille pour des prélats. Il faut imaginer que tous ces tableaux vont dans des églises ou dans des palais, mais des palais de prélats. Et donc, Caravage change le sens de la peinture. Jusqu'à présent, c'était des madones idéalisées, c'était des femmes, il y avait eu le maniérisme avant, des femmes longilignes. Et tout d'un coup, avec Caravage, les pèlerins ont les ongles noirs, ont les pieds sales parce qu'ils ont marché, et les vierges sont des vierges de chair et de sang. Sont des prostituées romaines. Et sont des prostituées romaines. Les modèles sont des prostituées romaines, de belles prostituées romaines. Mais ça, c'est totalement révolutionnaire parce que du coup, les images, et c'est toujours dans l'idée de la propagande, c'est que les images pieuses deviennent immédiatement intelligibles au peuple. Et c'est ça la nouvelle idée. Alexandra Lapierre, nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion passionnante. Le temps d'écouter Artemisia Gentileschi, une fiction écrite spécialement pour Autant en emporte l'histoire par Bertrand Leclerc et réalisée par Cédric Ossir. Arrête un peu de peindre. Viens. Pas tout de suite. Je dois finir. Peindre. Tu ne penses qu'à ça. Et toi, tu ferais mieux de t'y mettre. C'est pas dans les salons ou les alcôves que l'on devient le grand peintre que tu rêves d'être, Massimo. Allons, laisse-moi. Massimo, je dépéris si je cesse de peindre. Tu dois comprendre ça, toi. Donne-moi 2 heures encore. Je veux finir cette nature morte que j'ai promise à Don Antonio Rufo. Pourquoi tu acceptes tant de commandes? Tu n'en as plus besoin. Tu as tout, la gloire, l'argent. D'ailleurs, tu finiras par faire des jaloux. Les peintres de Naples savent se battre pour préserver leur territoire. Qu'ils apprennent à peindre. Oh, t'exagères. Oui. C'est quoi ça? Il est question que tu partes à Londres? Mais... Laisse ces papiers. Comment peux-tu? Qui t'autorise à lire mon courrier? Tu songes à partir. Ça suffit, Massimo. Rends-moi ça ou tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Jamais tu ne te permettrais ça dans l'atelier d'un homme. Mais si tu étais un homme, je ne t'aimerais pas, Artemisia. Arrivée de Rome en 1629, Artemisia Gentileschi a trouvé au pied du Vésuve une ville à sa démesure. Naples est alors la plus grande cité d'Europe après Paris. Une ville populeuse mais richissime, forte de ses 400 000 habitants, mêlant les gueux échappés des campagnes et les bourgeois enrichis par le commerce maritime, les grands d'Espagne et les aristocrates napolitains. En ce début de XVIIe siècle, où tout prince digne de ce nom se veut collectionneur, la ville, fournaise des arts, draine les artistes de toute l'Europe en leur offrant les murs des palais et des églises qui partout sortent de terre. Première femme peintre pleinement reconnue par ses pairs, Artemisia a su vaincre la résistance agressive des peintres locaux et imposer à Naples l'héritage romain du Caravage, cet art du clair-obscur dramatique et du naturalisme chatoyant qui enthousiasme les mécènes. Mais voilà qu'en 1637, son passé la rattrape. Devra-t-elle tout quitter une fois de plus? Son père, Orazio Gentileschi, la réclame à la cour d'Angleterre. Le vieux peintre redoute de n'avoir plus la force nécessaire pour mener à son terme la commande royale que lui a passée Charles Ier. Il estime qu'elle seule peut l'aider sans le trahir à réaliser les 9 toiles destinées au plafond du grand vestibule de la Maison des Délices de la Reine, au château de Greenwich, près de Londres, et sauver le nom de Gentileschi du déshonneur d'un échec pathétique. Francesco! Giulio! Eh? Où est ton frère? Chez le marchand de couleurs. Vous lui avez demandé ce matin. Je sais. Regarde ce que je viens de terminer. Prends ton temps. J'ai besoin d'un avis sérieux. C'est le motif central du plafond. L'allégorie de la paix et des arts. C'est magnifique. Parle franchement. Est-ce que tu retrouves là-dedans ce qui m'a valu la gloire? L'étoffe, le geste et le mouvement aussi. C'est d'une grande force. Tu ne vois donc pas que la perspective est fausse, ici et là? Le travail d'un débutant. Tu ne sais même pas regarder une toile. Je n'y arriverai jamais. Ma main ne m'obéit plus. Voilà la vérité. Mais père, je vous assure... Tu ne comprends pas, tu ne comprends rien, pire que ton frère. Et votre sœur qui ne répond même pas à mes courriers. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi lui avoir donné tous les talents à elle et elle seule? Une fille! Tous, ils n'ont que son nom à la bouche, jusqu'au roi qui ne cesse de m'en parler. Ce qu'il ne voit pas, c'est qu'elle m'a tout volé, jusqu'à la moelle. Après m'avoir déshonoré, obligé à quitter Rome... Ma ville, elle ne cesse de me contredire. Vous contredire? Mais vous n'avez pas vu Artemisia depuis plus de 20 ans. Me contredire parfaitement. Ce malin plaisir à reprendre les thèmes que j'ai traités en inversant les choses. Son horrible tableau, Yael et Cicéra. Une femme infernale sur le point d'enfoncer un clou dans la tempe de l'homme endormi sur ses cuisses. L'œuvre d'une catin. Père, j'ai pour vous un immense respect, mais vous vous égarez. D'accord, Artemisia a le tort de faire attendre sa réponse. Mais je vous répète ce que Francesco aussi vous a dit quand il est revenu de Venise. Artemisia n'est pas seulement un grand peintre qui vous doit beaucoup. Elle est aussi une grande dame, respectée dans toutes les cours d'Italie. Elle est l'amie de Buonarroti, de Galilée. Oui, et elle court les routes seule, comme un homme. À mon avis, elle s'est débarrassée de son falot de mari uniquement pour n'en faire qu'à sa guise. Arrêtez de vous mentir. Vous savez parfaitement que Sciatesi s'est ruiné tout seul au jeu, qu'il a été exilé pour dette. Artemisia n'y est pour rien si elle s'est retrouvée seule à élever sa fille. Non, bien sûr. Elle doit être économe et vertueuse, si tu le dis. Elle n'a plus de compte à rendre à personne, en tout cas. Mais comment les Florentins ont-ils pu lui ouvrir les portes de leur académie? Une femme! Ils sont cinglés! Mais du moins, elle sait, elle, ce que peindre veut dire. Tu l'as vu, sa fameuse allégorie de la peinture, hein? Tout le monde en parle. C'est très beau, vous savez. Un autoportrait. Elle se prend donc pour la peinture en personne. Mais comment peut-elle oser? C'est un autoportrait au travail, les bras nus, d'une beauté sauvage, où la peintre l'emporte sur la femme. Et elle a utilisé deux miroirs. Et la poitrine découverte, sans doute. Giulio, toi ou Francesco, l'un de vous deux doit partir à Naples, demain. Allez la voir à nouveau. Il faut la convaincre. Elle seule peut m'aider. Vous en êtes incapable. Et je ne peux demander ça à aucun autre peintre. Dites-lui que l'âge... Non, pas ça. Dites-lui les privilèges que m'octroie Charles Ier. L'importance de cette commande royale. Le raffinement de la cour. Oui, c'est ça. Parlez-lui de la collection royale. Des Caravage, qui sont ici. Elle aime le Caravage. Parlez-lui des fastes, de l'honneur qui m'est rendu chaque jour. Faites-la venir. Elle seule sait la lumière, les couleurs, les perspectives. Elle peut m'aider. Elle me le doit. C'est le nom de Gentileschi. C'est l'honneur des Gentileschi qui est en jeu. Faites-la venir. Nul ne sait si Orazio Gentileschi a jamais mesuré la responsabilité qui fut la sienne dans la tragédie d'Artemisia. Fils d'un artisan, cet homme fruste fut à Rome l'un des compagnons d'atelier du Caravage. Il comprit parmi les premiers la puissance incomparable de ce peintre. Il adopta ces effets de lumière si originaux qui permettaient de rendre le monde d'une manière plus réaliste que jamais. Cela lui valut un vif succès dans la noblesse romaine. Sa chute n'en fut que plus brutale en 1612, après le procès retentissant qu'il intenta au peintre Agostino Tassi, accusé du viol de sa fille Artemisia, l'aînée de ses enfants et le plus doué de ses apprentis. Sachant à peine lire et écrire, Artemisia avait grandi cloîtrée dans l'atelier de son père, en plein quartier des artistes, haut lieu de querelles, de débauches et de beuveries, entre la Via del Corso et la place d'Espagne. Elle y avait appris plus vite qu'aucun de ses frères l'art du dessin et la manière de mélanger les couleurs. Alors qu'elle atteignait les 18 ans, la réputation de son talent et de sa beauté, invisible aux profanes, tourna bientôt au cauchemar de son père. Persuadée qu'elle débordait d'une sensualité dangereuse, incapable de se résoudre à la marier, Orazio eut la très mauvaise idée de confier à son grand ami et collaborateur, le peintre Agostino Tassi, la mission de la surveiller en son absence, au prétexte de lui enseigner la perspective. J'étais tout à l'heure avec ta fille. Elle joue magnifiquement de l'épinette. Et la petite Prudencia que j'ai connue est devenue une vraie grande dame. Tu auras décidément tout réussi. Ta carrière, le mariage de ta fille dans la meilleure société napolitaine. Ça m'a ruinée, si tu veux savoir. La dot, les bijoux, le trousseau. Tu n'imagines pas les dépenses qu'entraîne un mariage avec une grande famille. Si, si, j'imagine bien. Mais, Artemisia, il est temps que nous en venions à la raison de ma venue. Notre père... J'ai reçu et lu ses courriers. Et 25 ans sans le voir. Il approche des 75 ans. Et cela se sent maintenant. Dans sa peinture? Il nous questionne sans cesse sur son travail. Il est très inquiet. Il sait bien lui-même qu'il perd la main. Et vous lui dites? Toi seul pourrais le faire. Et réaliser avec lui ce que son esprit veut, mais que sa main ne sait plus faire. Il ne m'a jamais aidé quand j'avais besoin de lui. Il est vieux et fragile, Artemisia. Il sera bientôt trop tard. Tout abandonner du jour au lendemain. Courir à Londres. Tu te rends compte de ce que ça représente? Il ne s'agit pas seulement de seconder Horatio. Je suis porteur, tu sais, d'une invitation officielle du roi d'Angleterre. Il tient vraiment à ce que tu viennes à la cour. Depuis que Charles Ier a racheté la collection du duc de Mantoue, Londres est devenue une vraie capitale pour les artistes. Rubens, tu te rends compte? Le roi l'a fait chevalier. Je suis une femme libre et indépendante, Giulio. C'est une position que j'ai construite, difficilement. J'ai enfin trouvé ici une ville où exister sereinement. On me donne ici ce que notre père n'a jamais réussi à obtenir. Des murs de cathédrale, tu te rends compte? Je suis honorablement connue, respectée, malgré mon état de femme seule. Il n'a qu'à demander à quelqu'un d'autre. Jamais Horatio n'acceptera l'aide d'un étranger. À plus forte raison parce qu'il se sait affaibli. Il pense que le nom des Gentileschi... Le nom des Gentileschi? L'honneur des Gentileschi, toujours l'honneur. On n'en a pas assez souffert de l'honneur des Gentileschi quand on habitait Via della Croce? Il t'a tout appris. Tu crois que je ne le sais pas? Et que personne ne m'a rapporté les propos jaloux qu'il tient? Que je lui devais tout? Que je pillais ses techniques, ses sujets? Ça fait plaisir, je t'assure. Et d'apprendre que c'est à cause de moi qu'il a dû quitter Rome, à cause de moi. Giulio, je sais, tu étais si jeune. Comment ose-t-il dire que c'est ma faute? Ne parlons pas de ça. Mais si, parlons-en. Pourquoi le taire? Je n'ai pas honte, moi. Tu sais, je n'y pense presque plus jamais. Mais ces lettres, ta venue ici, tout ça revient me bouleverser. Les souvenirs du passé, même si cela fait partie de ma vie. Sais-tu comment le vice-roi de Naples parle de moi ici? Un cœur de César dans un magnifique corps de femme. C'est joli, non? Tu es très remontée contre lui. Mais laisse-moi au moins te parler de cette commande royale. Tu pourras décider en connaissance de cause. Il s'agit de décorer le plafond du grand hall de la Maison des Délices de la Reine, au château de Greenwich, près de Londres. Le projet de notre père implique la réalisation de 9 tableaux. L'honneur, dont le principal au centre, Horatio, rond, l'honneur, mon père, tu n'en auras donc jamais fini avec l'honneur des Gentileschi. Mais l'honneur des Gentileschi n'était placé nulle part ailleurs que dans ma vertu, ma virginité. J'en porte le poids depuis que j'ai 15 ans, depuis que je suis devenue femme. Du jour au lendemain, la terreur t'a pris. C'en était fini du père merveilleux qui m'emmenait voir les tableaux des grands maîtres, s'extasier de mes progrès et de mes intuitions. On allait m'enlever, j'allais céder au premier venu. Tu regardais mon premier grand tableau, Suzanne et les vieillards, et c'est la seule chose à laquelle tu as pensé. Tu étais effaré de la qualité de mon travail, de ma puissance sensuelle, de ma compréhension de la légende. Alors, tu m'as cloîtré, dans l'atelier, la maison, m'interdisant de sortir, sinon pour aller à la messe ou à confesse. Via della Croce, je n'avais même plus le droit d'approcher des fenêtres de peur des hommes qui se pressaient dans ces ruelles grouillantes d'artistes et de prostituées. Tu m'as tout appris de la peinture, mais rien de la vie. Cette honte au procès, t'avouer que je savais peindre, mais que je ne savais ni lire ni écrire. Et c'est pourtant toi, Horatio, qui a introduit le loup dans l'atelier. Comment as-tu pu avoir cette idée folle de confier à ton grand ami Agostino Tassi le soin de m'enseigner les lois de la perspective? J'y ai pensé chaque matin, tous les jours, pendant des années. J'ai été torturée sous ses yeux. C'est moi que les juges pontificaux ont soumise à la question pour s'assurer que je disais vrai, victime ou pas. Sous les yeux de celui qui m'avait violée, ton grand ami, si surpris de me trouver vierge. Torturée en face de celui qui m'avait promis le mariage si je me taisais. Pendant des mois, je l'ai laissé faire en attendant sa demande en mariage. Le tribunal pontifical, les murs noirs, les regards glaçants qui déshabillent la victime, celle qui ose prétendre à l'innocence. Signora Artemisia, êtes-vous prête à répéter votre déposition face à l'accusé ? Tout ce que j'ai dit ces derniers jours est la vérité. Je peux le répéter devant lui. Je vous rappelle votre déposition. Me surprenant en train de travailler seul dans l'atelier, Agostino Tassi m'a dit « Ne peignez donc pas tant. » Il m'a arraché la palette et les pinceaux, m'a fait reculer jusqu'à la porte de ma chambre, l'a soudain ouverte et m'y a précipité. Je me débattais. Il a plaqué un mouchoir contre ma bouche pour m'empêcher de crier. Il a mis ses deux genoux entre mes jambes et, pointant son membre, il a commencé à forcer, à entrer. Cela faisait terriblement mal. À cause de sa main sur ma bouche, je ne pouvais pas crier. Je lui griffais le visage. Je lui tirais les cheveux. Confirmez-vous l'exactitude de cette déclaration en présence du prévenu? J'ai écouté ce que vous venez de lire. Je reconnais mes déclarations. J'ai témoigné dans la vérité. Et c'est dans la vérité que je le confirme devant Agostino Tassi. Et moi, je dis que tout est faux. Rien de ce qu'a prétendu la signora Artemisia n'est vrai. Il n'est pas vrai que je l'ai déflorée, ni que j'ai forniqué avec elle. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait, dans l'atelier de son père, un apprenti du nom de Scalpellino qui s'est publiquement vanté de l'avoir possédé. Et moi, j'affirme que tout ce que j'ai dit est la vérité. Et que si ce n'était pas la vérité, je ne l'aurais pas dit. Êtes-vous prête à confirmer votre déposition sous la torture? Monseigneur, j'ai dit la vérité et je la dirai toujours. Je suis ici pour confirmer mes dires. Pour ôter toute trace d'infamie et tout doute à l'égard de votre personne et compte tenu de votre âge, 17 ans, nous décidons que vous devez affronter le tourment de la Sibylle en présence et en face du prévenu. Qu'on fasse entrer le bourreau. Artemisia n'a pas tremblé. Elle sait pourtant ce qui l'attend ce 14 mai 1612 à la prison de Tor di Nonna à Rome, où se tient le procès pour défloration et proxénétisme intenté contre Agostino Tassi. Étrange justice qui pratique la torture sur les victimes. En fait, selon une logique qu'on ne comprend plus aujourd'hui, la justice pontificale ne pratique pas la torture pour punir, mais pour faire surgir la vérité des corps livrés au supplice. Si Artemisia dit vrai, elle confirmera ses accusations sous l'emprise de la douleur. Pour obtenir la condamnation de l'homme qui l'a violée, trahie et déshonorée, elle sait qu'il lui faut subir le supplice de la Sibylle. Combien de fois je me suis réveillée, folle de terreur. Le bourreau qui s'approche commence de fixer les cordelettes autour de mes doigts. En face de l'homme, si tranquille, qui m'avait promis le mariage pour que je ne le dénonce pas. Comment aurais-je pu imaginer qu'il ne pourrait pas tenir sa promesse puisqu'il l'était déjà marié, ses déclarations d'amour? Mais au tribunal, il n'y avait plus rien. Plus que ses yeux haineux regardant les cordelettes qui pulvérisaient mes phalanges à chaque tour de vis. Dieu, que j'étais forte quand j'y repense, de refuser de crier grâce, de refuser de l'innocenter juste pour que ça s'arrête. Et mes pauvres doigts, j'avais si peur, peur que je ne puisse plus jamais peindre. Et pourtant, les cordelettes fixées sur mes doigts, en attendant que le bourreau tourne la vis, je continuais à lui cracher encore et encore ses torts. Voilà donc, Agostino, l'anneau de mariage que tu m'avais promis. Tu le vois sur mes doigts. Voilà l'effet de tes serments. Et je l'ai répété, et répété encore, les yeux rivés aux siens qu'il m'avait défloré de force et tenu par de fausses promesses de mariage. Je l'ai redit. J'ai tenu le coup. Malgré la brûlure ardente de mes doigts enserrés dans des gants de feu, effrayé de sentir que le tour de vis suivant ne pouvait qu'exploser la chair. Artemisia, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'entends? Ouvre les yeux. Tullio. Tu m'as fait peur. Je t'ai vu glisser. Tu étais là, je te parlais, et tout d'un coup tu glisses, tu disparais. Ce n'est rien, pardon. La tête me tourne. Tiens. Bois ce verre d'eau. Tu te sens comment? Je repoussais. Tu veux que je fasse venir un médecin? Non, non, merci, ça va. Ça va mieux déjà. Tu te souviens de cette année terrible? Tu avais quoi? 6 ans? Je me souviens surtout des regards terribles qui nous accompagnaient dans le quartier, quand Tassi venait d'être condamné à la prison. Des regards de reproche, je ne comprenais pas. Voilà, tu avais gagné. L'honneur était sauf, mais à quel prix? Tous ses amis lui tournaient le dos dans le quartier des artistes. Comment avait-il pu faire condamner le grand Tassi, un des leurs? Orazio désormais était seul. C'est ce qu'il m'a reproché, au fond. Victime, je n'en étais pas moins femme, et coupable, la tentatrice. J'avais provoqué sa chute. Il était condamné à aller chercher ailleurs les commandes qu'on ne lui passerait plus à Rome. Et pourtant... Mais il n'a jamais aimé personne comme toi, Artemisia. Ton mariage arrangé l'a désespéré encore plus. Il parlait toujours de ton mari avec dégoût. Son dégoût pour les peintres médiocres. Médiocre. Mais Stiatesi m'a accepté, lui, malgré le déshonneur. Et il m'a tellement appris. Il m'a emmené loin de Rome. Il m'a présenté à la cour de Florence. Il était cultivé, au moins. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont eu ma chance d'avoir un mari qui m'a encouragée à peindre et à exposer mon art. Tu as ouvert la voie. Vous êtes nombreuses, les femmes peintres, maintenant à Naples, n'est-ce pas? Foutaise. Aucune pour avoir une once de talent. Artemisia, tu ne changeras pas. Tu as eu de ces nouvelles? De Stiatesi? Non. J'ai pourtant cherché à en avoir. J'avais besoin de son consentement pour le mariage de Prudentia. Mais sans nouvelles de sa part, la justice a conclu à sa disparition. Excuse-moi, Giulio, je ne me sens pas bien. Je voudrais me reposer. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Ça ira mieux dans 2 heures, ne t'inquiète pas. Je te laisse. Mais... Artemisia... Oui. Tu ne mesures pas ce que tu représentes pour lui. Il n'a jamais aimé personne comme toi, pour ta peinture, pour ton talent. Francesco et moi, nous en avons beaucoup souffert, tu peux pas savoir. Nous l'admirons, sans rien pouvoir attendre en retour. Je pars dans 2 jours, Artemisia. Réfléchis encore. À l'époque de son procès, Artemisia Gentileschi n'avait que 18 ans, mais elle était déjà un peintre accompli, doté d'une puissance narrative dont témoigne son tableau, saisissant et prémonitoire, Suzanne et les vieillards, qui reprend une scène de la Bible. Assise nue sur un banc, les cuisses à peine couvertes d'un voile blanc, la jeune Suzanne, qui s'apprête à prendre son bain, détourne la tête et lève les mains pour se protéger des propositions malhonnêtes de 2 hommes âgés qui se penchent vers elle. Pour se venger de son refus, les vieillards accuseront la jeune femme d'adultère et la feront condamner à mort. Un tableau de jeunesse. Mais ce n'est qu'après son mariage avec Pier Antonio Stiatesi, modeste peintre florentin, qu'Artemisia a découvert les livres et la culture. La ville de Florence, tellement plus raffinée que Rome, fut pour elle un écrin où elle put enfin s'épanouir et obtenir ses premiers succès. C'est là également qu'elle entreprit la première version de l'une de ses toiles les plus célèbres, Judith et Holoferne, une scène de l'Ancien Testament qu'elle reproduira au moins 4 fois, dont la dernière à Naples. Des détails changent d'une version à l'autre, mais dans toutes, on ne peut que reconnaître Agostino Tassi dans le personnage d'Holoferne, tué par Judith. La jeune femme, de sa main gauche, empoigne la chevelure d'Holoferne pour mieux lui trancher la gorge. Une épée finement ciselée dans la main droite. Toutes les lignes du tableau convergent vers la figure centrale d'Holoferne, au visage grimaçant de douleur. Une peinture à la fois d'une beauté saisissante et d'une rare violence. Tu es si belle, Artemisia. Si belle et si étrangement fascinante. Tu pourrais faire peur, tu sais. Je fais peur à beaucoup d'hommes. Mais pas à toi, j'espère. Dis-moi, c'est une question que je me suis posée en voyant le Judith et Holoferne que t'a commandé le vice-roi. Tu te rends compte? C'est la cinquième fois que je peins cette toile. Et j'ai toujours le même succès. Il est d'une cruauté froide et terrible. Tu trouves? Les couleurs sont plutôt chaudes pourtant. La manière dont la servante de Judith appuie sur la poitrine de l'homme couché. Et surtout cette raideur du dos de Judith. Son air réfléchi, calme, appliqué. Alors que le sang gicle sous la lame qu'elle tient sans trembler. Tu fais peur, tu sais. Cette femme, c'est Judith, pas moi. Et ta question? Bon, ne te fâche pas. On dit que la tête d'Holoferne ressemble beaucoup à celle d'Agostino Tassi, l'homme qui a été condamné pour t'avoir violenté. Ah, tu sais donc tout cela, toi aussi. Allons, Naples n'est pas si loin de Rome et les peintres voyagent. Je vais te faire un aveu, Massimo. Si j'ai peint une fois de plus le même geste, ce n'est pas seulement pour satisfaire la demande du vice-roi. C'est aussi qu'il me libère quand la haine et le ressentiment reviennent. Vois-tu, c'est aussi l'un des pouvoirs magiques de notre art, la peinture, de pouvoir transformer le pire que l'on ait pu voir en beauté, parfois même en chef-d'œuvre. Penses-tu que le crime que tu as subi t'a aidé à devenir la grande artiste que tu es? Bien sûr que non. Pardon, Massimo, ce que tu dis n'a pas de sens. Cela voudrait dire que les plus grands génies auraient tous subi des offenses, et inversement, que toutes les femmes violées deviendraient des artistes? Non. Non, j'ai toujours été peintre. Mais ce qui est vrai, c'est que peindre permet de tirer le meilleur, non seulement des bonheurs, mais aussi des souffrances. Auxquelles personne n'échappe, Massimo. Pourquoi me dis-tu ça? Ne me dis pas que tu vas partir. C'est mon passé, celui dont tu parles précisément, que je dois aller régler à Londres. Tu t'es décidé finalement? Mais c'est beaucoup trop dangereux. Toute l'Europe est à feu et à sang. C'est inutile, Massimo. J'ai déjà pris toutes mes dispositions. Et l'atelier? Les commandes? Tu t'en chargeras. Et je ne pars pas si longtemps. Je te fais confiance. Mais... Massimo, je ne peux pas refuser l'invitation de Charles Ier d'Angleterre. Et je dois revoir mon père avant qu'il meure. Cela fait 25 ans que nous travaillons séparément, mais obsédés l'un par l'autre. Il m'appelle enfin. C'est maintenant ou jamais. Entreprendre le voyage de Naples à Londres est une aventure d'autant plus redoutable que ce que les manuels d'histoire appelleront la guerre de 30 ans fait rage. Une guerre qui implique toutes les puissances européennes, à l'exception de l'Angleterre et de la Russie. Il faudra pas moins de 4 mois à Artemisia Gentileschi pour atteindre La Haye, et de là, embarquer enfin pour l'Angleterre. Comme un défi à son propre père, Artemisia transporte dans ses malles l'un de ses chefs-d'œuvre, l'autoportrait en allégorie de la peinture qu'elle projette d'offrir à Charles Ier. Elle s'y représente aux prises avec la peinture, tout entière dans l'œuvre en cours, les cheveux en désordre, mais l'œil vif et précis. Sur un fond sombre où se noie la robe moirée, la lumière semble émaner du visage et de la poitrine découverte de l'artiste pour éclairer la toile encore vierge. C'est la peinture en personne qui se porte au secours du vieux maître qu'est son père Horatio. Où est son atelier? Là-haut. Figure-toi que j'ai peur, Giulio. Ah, enfin te voilà. Il était temps. Viens m'embrasser et mettons-nous au travail. Le temps presse. Eh bien, on dirait que nous nous sommes quittés hier, père. Nous aurons le temps de parler plus tard. Monte, l'atelier est ici. J'aimerais me poser un instant, me changer, si vous permettez. Déjeuner, peut-être. Je ne suis pas en tenue d'atelier. Nous avons trop de travail pour gaspiller le peu de temps... Attendez, père. Vous croyez parler à qui? À l'apprenti ignorante que vous avez écrasée de votre génie? On dirait que c'est moi qui ai demandé à vous voir. Vous m'avez supplié, j'arrive. Mais ce n'est certainement pas pour vous entendre parler comme ça. Nous n'avons pas de temps à perdre, il faut finir... Autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas du tout apprécié que vous ne soyez pas venu à ma descente du bateau. Même pas venu pour ma présentation au roi. Est-ce que vous aviez peur? Peur que le roi s'enthousiasme pour mon autoportrait en allégorie de la peinture? Justement, ça a été le cas. Vous n'avez absolument... Calme-toi. Nous signerons ensemble, après avoir travaillé ensemble à ce grand œuvre. Ce que je veux faire... est ambitieux. J'ai imaginé 9 toiles différentes. Les muses sont assises face à face, toutes tournées vers le centre du plafond, au milieu duquel trônera la paix, assise sur un nuage clair dans le ciel bleu d'Europe. Cher Prudencia, pardon d'avoir laissé passer ces derniers jours sans donner de nouvelles. Je n'ai pas arrêté depuis mon arrivée. J'ai compris ce que m'avait dit Giulio. J'ai compris l'insistance de ton grand-père, si brutal, si acariâtre. Il m'a accueilli avec une folle arrogance au château de Greenwich. Tu aurais dû voir ça. En même temps, il ne parvenait pas à cacher la faiblesse où le mène son grand âge. Je redoutais ses critiques acerbes, ses reproches. Mais c'est une infinie pitié qui m'a envahie en le voyant devant ses toiles en cours. L'idée de la composition est excellente, mais l'exécution... une catastrophe. Prudencia, j'ai vraiment eu raison de venir malgré tes craintes. Orazio Gentileschi est désormais un vieillard qui peine à rester longtemps debout. Il n'a plus la main. Nous reprenons tout, ensemble, le père et la fille. Et tu vois, à la fin de cette première journée, j'ai retrouvé le rythme de l'atelier comme lorsque j'étais enfant. Les mêmes gestes, la même complicité. Je me suis même surprise à sourire. Cette œuvre sera belle. Ce sera le dernier éclat du grand Orazio Gentileschi, sans que personne ne puisse dire qui de lui ou de moi y aura pris le plus de part, ni juger de la qualité de l'un par rapport à l'autre. Ce sera l'œuvre d'un père et de sa fille mêlés pour faire resplendir dans l'histoire des arts le seul nom que nous partageons. Dévoilé en 1639, quelques mois avant la mort d'Orazio Gentileschi, en présence de sa fille, qu'il avait autant détestée qu'adulée, cette œuvre, l'allégorie de la paix et des arts sous la protection de la couronne d'Angleterre, est une apothéose de couleurs, un aboutissement resplendissant que l'on peut aujourd'hui contempler au plafond de Marlborough House, où il a été déménagé en 1711. Le chef-d'œuvre des Gentileschi enfin réuni, a en effet miraculeusement échappé à la passion destructrice des puritains lors de la première révolution anglaise. Fuyant les grondements de Londres, Artemisia Gentileschi retrouva son atelier napolitain pour reprendre une activité florissante jusqu'à sa mort en 1653. Artemisia Gentileschi de Bertrand Leclerc avec Mélissa Barbeau dans le rôle d'Artemisia, Julien Bouaniche, Massimo, Fred Ulysse, Orazio Gentileschi, Thibault Lacour, Giulio Gentileschi, Étienne Grebeau, Agostino Tassi et Éric Aymon, le juge du tribunal pontifical. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Claire Levasseur et Manon Houssin, assistant à la réalisation Clémence Bucher et Félix Levaché, réalisation Cédric Aussire. Dans quelques minutes, nous retrouvons Alexandra Lapierre pour parler d'Artemisia Gentileschi. Sailing the waves of the past while I stand there to watch as she's floating away. Now infinity lies ahead of me. Images all lose their luminosity. There's a cold white fog obscuring my view, teasing me with tastes of more to come. I'm a cold, my melancholy past. Won't you? Thank you. Deborah Harry, You'll Come to Me, inspirée, vous l'avez reconnu, de la musique d'Amar Kaur, écrite par Nino Rota pour Fellini. Dans Autant on emporte l'histoire, sur France Inter, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Loïc Frapsos. Alexandra Lapierre, quel parcours étonnant celui de cette femme, donc Artemisia Gentileschi. Est-ce qu'on peut dire que ce parcours, cette histoire, est celle d'une libération, d'une émancipation? Je crois que dans le cas d'Artemisia Gentileschi, il n'y a pas d'exemple dans la peinture qu'une femme soit parvenue seule. Parce que c'est ça qui est très intéressant chez Artemisia, le fait qu'elle va avoir une carrière de peintre à l'égal des hommes. Et ça, c'est impossible en principe pour l'époque. Elle a même surmonté son père. Enfin, absolument, la notoriété de son père. Et c'est absolument impossible pour l'époque puisque les femmes appartenaient physiquement justement et légalement à leur père quand elles sont filles, à leur mari quand elles sont épouses et à leur fils ou à leur frère quand elles sont veuves. Et quand je parle d'appartenir, c'est stricto sensu. Donc elles ne peuvent pas voyager sans un homme. Elles n'ont pas de passeport. Artemisia, normalement, ne pouvait pas signer un contrat pour peindre un tableau. Elle ne pouvait pas acheter ses couleurs sans un homme. Et elle va parvenir à se libérer de cette tutelle en devenant un membre de l'Académie de dessin de Florence qui faisait accéder le statut du peintre, du niveau d'artisan à celui de gentilhomme. C'est-à-dire que les hommes peintres qui étaient acceptés dans cette académie avaient le droit de porter l'épée et ne relevait que du grand-duc à Florence. Donc, par essence, Artemisia n'était pas éligible, puisque c'était une libération, même pour les hommes, de leur tutelle des guildes, qui étaient les groupes de peintres auxquels ils devaient appartenir pour faire des tableaux, ou de leurs propres parents. Donc, dans le cas d'Artemisia, c'était absolument impossible. Or, elle va être élue dans cette académie, ce qui va lui permettre d'accéder à une émancipation légale qui va lui permettre ensuite de voyager, de signer des contrats, d'acheter sa peinture. Et ça, c'est sans exemple dans toute l'histoire de la peinture. C'est étrange aussi la relation que son père avait avec sa fille quand même. Il l'a enfermée, il l'a chez lui, il l'a maintenue cloîtrée, il l'a empêchée d'apprendre à lire, à écrire, et elle est sa chose. Absolument. Et il va quand même la mettre entre les mains de celui qui va la violer. Oui, parce que ça, c'est l'aveuglement, vous savez, des gens qui sont obsédés, des jaloux, on se croirait dans Molière. C'est-à-dire que le chose le plus dangereuse qu'il redoute, il l'accomplit. Et en effet, Orazio estimait qu'elle devait peindre pour lui. L'idée, ce n'était jamais qu'elle ait une carrière, c'était qu'elle le seconde en tout, qu'elle fasse ses propres tableaux et qu'il les signe. Or, évidemment, à partir du moment où elle devient une jeune femme, il n'y a plus de statut pour Artemisia. Il faut soit qu'il la donne à un couvent, qu'elle devienne religieuse, soit qu'elle se marie. Et si elle se marie, elle va donner ses secrets de peintre à probablement un autre peintre. Parce qu'en général, les femmes, les filles de peintres épousent d'autres peintres qui prennent la relève du père. Ça, c'est la logique de l'artisan, si vous voulez. Mmh. Dans le cas d'Artemisia, elle est une espèce d'ovni, parce que il veut la garder, mais non, légalement, c'est très compliqué, socialement, c'est très compliqué. Il meurt de peur qu'elle s'amourache de quelqu'un d'autre, et finalement, il la fait violer par son prof de professeur de dessin. Ouais, il la fait violer, ça paraît absurde, mais c'est typique d'une certaine conduite de jalousie, d'angoisse. Radio est de tout temps un grand angoissé, donc voilà, c'était... L'épreuve du procès, on a du mal à imaginer aujourd'hui qu'on puisse torturer comme ça une jeune fille qui a été violée pour obtenir la vérité. Ça, c'était la croyance qu'à travers la souffrance du corps s'exprimait l'âme et s'exprimait devant Dieu la vérité. Mais ce qui est intéressant, ce qui est passionnant dans les actes du procès, c'est que vous avez lu, évidemment, oui, et que je reproduis dans le livre Artemisia, c'est que le greffier note les réactions d'Agostino Tassi. Ils font ça devant lui parce qu'ils veulent qu'il craque et qu'il ne supporte pas la souffrance d'Artemisia et qu'il finisse par dire « arrêtez, arrêtez ». Or, il ne le fera pas, puisque, en effet, la grande découverte que j'avais pu faire dans les archives, c'est qu'il était marié et que s'il avait épousé Artemisia, là, il était pendu. Donc, Agostino Tassi est lui aussi coincé. Alors, une dernière chose très étonnante dans l'histoire d'Artemisia, donc cet artiste, vous l'avez dit, était très connu de son vivant, elle a même surmonté la notoriété de son père, et aujourd'hui elle est redécouverte, mais comment se fait-il qu'elle ait été si longtemps oubliée? Mais écoutez, le fait que ses tableaux soient des tableaux d'histoire, soient des tableaux peints comme un homme, son obsession c'est qu'elle peint comme un homme, aussi bien qu'un homme, et les mêmes sujets que les hommes. Mais alors elle aurait dû être reconnue malgré cela, non? Non, parce que comme les tableaux n'étaient pas signés, on les a attribués à Caravage pendant des années. Et moi j'ai vu un film de 1930 sur le Caravage, tous les tableaux du film étaient les tableaux d'Artemisia Gentileschi. Ce qui était une des choses qui m'a donné envie d'écrire le livre, parce qu'il fallait quand même lui rendre son œuvre. C'est la chose la pire pour un artiste. Et ça c'était pour moi au cœur de ma démarche. Et puis, il y a donc ce magnifique tableau, vous en parliez tout à l'heure, l'autoportrait. Oui, l'autoportrait. Pour terminer là-dessus, justement, pourriez-vous nous le décrire, ce tableau? Écoutez, ce qui est extraordinaire dans ce tableau, c'est que... C'est un autoportrait, donc, d'Artemisia Gentileschi. Qui se peint... Alors, à l'époque, il y avait des allégories. Et les allégories, ça voulait dire l'incarnation d'une idée. Donc, elle fait deux choses à la fois, Artemisia. Même trois. La première, c'est qu'elle se représente, elle, superbe. La deuxième, c'est qu'elle se représente avec tous les attributs visibles d'une idée qui est celle de la peinture. Et la troisième, qui est absolument géniale, c'est que beaucoup de peintres ont fait des autoportraits, se sont peints eux-mêmes. Van Dyck s'est peint plein de fois. Mais ils se peignent en gentilhomme. Ils se peignent justement, on évoquait ce passage du peintre, de l'artisan au gentilhomme. Ils se peignent dans de très beaux atours. Or, Artemisia se peint dans l'acte physique de peindre. C'est-à-dire qu'elle est échevelée, elle a les manches roulées, oui, elle a un tablier. Elle se met pas dans une robe de cour, elle a un tablier, elle se peint dans une position, elle a mis deux miroirs en équerre, qui fait que, à la place d'être comme d'habitude droite et tournée vers le miroir en peignant, elle n'est pas rigide, elle est en plein mouvement. Et ça, c'est absolument formidable. C'est très moderne. C'est un merveilleux, ouais. Voilà, c'est très moderne. Est-ce qu'il y en a des tableaux d'elle au Louvre? Non, il y a des tableaux de son père au Louvre, des tableaux merveilleux de son père au Louvre, mais il y a des tableaux d'elle partout dans le monde. Il y en a. Oui, mais nous, là, en France, où est-ce qu'on peut la voir? Ah, il y en a plusieurs. Il y en a à Nantes, il y en a plusieurs. Si, on peut la voir. Et puis, on peut la voir dans votre livre aussi, Alexandra Lapierre, notamment Artemisia. Donc, c'est un roman historique que vous avez publié et qui est disponible en poche chez Pocket, oui. Un très bon livre, et Artemisia Gentileschi dans la collection Gallimard Découverte. Et je signale que là, la semaine dernière, un autre roman signé de vous vient d'être publié chez Flammarion. Ça s'appelle Moura, la mémoire incendiée, consacrée à une autre femme merveilleuse qui s'appelait la baronne. Alors, la baronne Goudberg, et qui est un personnage, en effet, qui est de la même trempe qu'Artemisia. Ah, mais vous aimez les femmes qui ont de la trempe. Merci beaucoup, Alexandra Lapierre. Autant en emporte l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Vous pourrez aussi écouter des émissions que vous avez peut-être ratées. La malédiction de Jacques Panat, par exemple, un polar historique dans le Lyon des années 30, ou Au nom du peuple, en 1943, la résistance communiste élimine 5 militants trotskistes en plein maquis de la Haute-Loire. Un crime resté secret pendant plus de 50 ans. Et bien sûr, j'attends vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, changement complet de décor et d'époque. Nous partirons au Moyen-Âge, en Normandie, dans la bonne ville de Falaise, où en 1386 se tint un procès pour le moins insolite qui fit grand bruit dans tout le duché. C'était l'époque où l'on croyait fermement que les animaux, créatures divines, avaient une âme, tout comme les humains. Notre détective sera Jean d'Harcourt, le vicomte de Falaise. Pour en parler, je recevrai l'historien Michel Pastoureau. À dimanche prochain donc. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.